thank you so much for listening to Fresh Air Community Radio. That's KFAI 90.3 FM in Minneapolis, St. Paul, and around the world at kfai.org. Until next week, bye. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis, St. Paul et en ligne sur kfi.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonsoir. So tonight is going to be just me. And that's, I mean, that's fine. You're going to have to deal with it. But it's a special party. So I pick songs that are going to move a little bit more than usual. So no sad songs and no like doozy. And that's to celebrate Christmas, so that's gonna be nice. And we're gonna start with three songs. I'll talk about the events a little bit later, but we're gonna start with Michel Fugain with La Fête, that was very famous in the 80s, late 80s, early 90s. Then Patrick Sébastien with something from the 2000 with Tournez les Serviettes, and so. That song about city, because it's about like running up the towels, not the towels, the napkins. And, you know, he was asking everybody like in the audience and like at the tables when you do a party to take your napkin and to turn it around. It has to be a cloth napkin. That doesn't work with paper at all. So, but it's very uplifting. And then a big classic from France. It's originally from like the 80s, and it's La Bande à Basile. And it's La Chenille. or the caterpillar, and everybody, you know, put his hands on the shoulders of the person in front of them, and they go around and around, and everybody participate, or if you don't, they pick up from your seat, and you do. So, all right, on y va, and that's going to be to celebrate the end of the year and to celebrate the new year. C'est parti. Prétentieux, on s'en fout. Les gens trop sérieux, on s'en fout. Et ce qui serait bien, ça serait que vous soyez debout. Toujours à l'heure, accroche tes mains à ma taille. voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. This is Freddy tonight. Antoine and Adrienne are doing other things. And the reason is because we are all volunteering and we have other jobs, families, and other occupations. So tonight it's me. It's a special party. And because of the New Year's Eve, if you party, there was three songs. The first one was from Michel Fugain with La Fête, and it was live from 1990. Then Patrick Sébastien with Tournez les Serviettes. And then La Bande à Basile with La Chenille. And we're going to keep on going with songs that make us like tap our foot or, you know, even go around the studio if some people want to. So we're going to listen to Annie Cordy with De Toutes les Couleurs from All the Colors. Then Juliette Gréco with La Fête est là, The Party is Here. And Juliette Gréco, I mean, the song is uplifting, but it's not really Juliette Gréco. I mean, like, typically she was very, like, sensual and not all that partying and stuff. So, and then we're going to listen to Games and Soul King with Après vous, Madame, After you, Madame. On y va? Des grises. Ce soir d'autres couleurs nous sont permises. Sur un petit bout de rêve, on va faire un beau voyage. Tous ensemble, on va jouer à saute-mouton sur les nuages. Regardez votre voisine, comme elle a de jolis yeux. Monsieur, quelle chance vous avez, monsieur. Nous serons dans trois minutes, bien au-dessus du brouillard. Vous ne verrez que du bleu, pourtant j'aimerais vous en faire voir. Dessus. C'est vu, et surtout, qu'on n'en parle plus, hein? Faites comme ces messieurs, dames, dansez la lune de miel. À 82 printemps, l'amour leur a donné des ailes. Les enfants, si vous êtes sages, je vous fais la cour d'échelle. On va se poser sur un arc-en-ciel. Ah, tu aimes la vitesse? Bon, d'accord, petit garçon, rien qu'avec notre musique, on va franchir le mur du son. Chacun la sienne et cette fois

dolce vita, la dolce vita, la dolce vita, la dolce vita, la dolce vita, la dolce vita. Voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie. And I was trying to fix like a technical difficulty that I had with the playlist. But we just listened to three songs with the theme of party. So the first one was from Annie Cordy with the Toutes les couleurs of Every Colors. Then after that, it was Juliette Gréco with La Fête est là. And it's from an album that was made by... the songs were made by Serge Gainsbourg and Maître Gims with Après vous, Madame, but it was also Soul King. So we're going to keep on listening to songs about party and we're going to do that. I have not planned any songs tonight for Brigitte Bardot because I don't think she deserves it, but... we might a little bit later in January because I have a recap where I have songs about all the people who passed. But I don't feel that it was necessary. So we're going to keep on partying. We're going to listen to Soprano with Cosmo and then Willie William with Ego and Amir with La Fête or The Party. All right. On y va after an announcement. Support for KFAI comes from First Avenue, presenting Finnick in the 7th Street entry, Thursday, January 8th. Indie rocker Finnick blends Americana and folk into their music to create a throwback sound with a modern twist. They're touring with their latest release, Weekends in Purgatory, opening the show, National Park Service, and Waking Hours. More information about Finnick in the 7th Street entry is available at first-avenue.com. Support for KFAI comes from the Crooner Supper Club, presenting Charmin Sings Carmen, Thursday, January 8th. Carmen McRae's tribute to Thelonious Monk is brought to life by Minneapolis chanteuse Charmin Michelle. Charmin will be joined in the Dunsmore Jazz Room by Joel Shapira on guitar and Larry McDonough on piano. Shapira and McDonough will open the show with selections from their Bill Evans, Jim Hall tribute, Intermodulating Undercurrents. More information about Charmin Sings Carmen is available at croonersmn.com. Les mecs en fumette, où sont les quartiers?

la nuit s'emballer. Voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. This is Freddie. Tonight is a special party night, so all the songs are about party. We listened to three songs in a row. Kinvey, with Le Coeur à la Fête. Then we had M. Pokora with Voir la Nuit S'emballer. And just now was Yale with Coca Sans Bulle, or Coke Without Bubbles or carbonation. And we're going to keep on going until 10 o'clock. We are here every Tuesday from 8 to 10. Tonight I'm by myself. This is Freddie. But next week, Antoine might be back and we may have a guest. We should have a guest, but that's going to be a surprise. We are going to listen to more songs about party. We're going to listen to Début de Soirée with the song Nuit de Folie, or Crazy Night. It was a very big success in 1988. Then we're going to listen to Kenji Girac with Andalouse. And then Stromae with Tafet. And Tafet is a play on word in this case, because Tafet, faire Tafet, means like also getting like a correction, like getting a beat up. So there's a mix of both. All right, on y va. Des airs de guitare et puis tu bouges tes cheveux noirs. Je te bats. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. T'inquiète pas, tu vas danser, balance, toi mais tu vas te faire balancer, défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire la fête, ta mère veut te la faire aussi. C'est pourquoi tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire la fête. Ta mère veut te la faire aussi. La fête. Le jus, je voudrais te faire la fête. Tout le monde te fera aussi la Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. This is Freddy. And we just listened to three songs about party. And the first song we listened to was Début de Soirée, Beginning of the Evening is the name of the band. It was a big success. They had like an album and maybe like two hits. This one was the biggest one. It was Nuit de Folie from 1988. And then after that, it was Kenji Girac with Andalouse, but it was a live version. And yeah, a lot of enthusiasm in this guy is pretty good. And Stromae with Tafet, and it's from his album Racine Carrée, so not too recent, but not super old either. We're going to talk about the events coming up. That's going to be quick because there's not all that much. Coming up on Saturday, January 3rd, starting at 9:30, there's going to be the Petit Déj, and it's a French conversation group. It's a monthly conversation group, coffee hour en français, and it's very casual, and you can also take advantage of the coffee shop that is at the location. I mean, they have coffee and some goodies, but the coffee shop has much more. I mean, they have like, you know, latte, and they can make you what you want, and they have more pastries and things like that. So it's the Bee Berry's coffee shop. And I was told last week, we talked about the fact that they had some Yule log, and we were told that someone heard us on the radio and the next day was getting one. So that's pretty cool. On Saturday, January 10th, there's two sessions. There's to go see the Royal Bronze Cambodian Art of the Divine. It's a visit guidée au Mia en français. And so you need to kind of like have a good level. And It's a visit guidée with Anna Bethune, who's a guide at the MIA, and she's lived in Paris for 20 years. And it's a temporary exhibition, and it's in collaboration avec le Musée Guimet, Musée National des Arts Asiatiques in Paris, and le Musée National du Cambodge. So you need to go and get tickets for it. You can go to the Facebook page, our Facebook page, or the Alliance Française Facebook page. Otherwise, you can go to afmsp.org. And there's two sessions. There's one from 1 to 2 p.m., and the other one is from 2:30 to 3:30 p.m. And spots are limited. So, and there's a fee, and if you're a member, it's you get a discount on it. And the last event I'm going to talk about is La Galette Party. It's on Friday, January 9th, between 5 and 8 p.m. And you should go to afmsp.org and events, because there's no like Facebook events for it. And voila. And I was talking earlier with someone about the French conversation group. So each month at the Alliance Française, there's the Petit Déj, but there's a lot of other ones. I mean, there's the Apéritif en Français that is every third Thursday of the month at the University Club, and there's one in Rochester as well on Sundays, like the first of the month. But there is one, I'm looking at afmsp.org and the tab called Resource and French Conversation Groups. And there's some on Monday at the Finnish Bistro. Every Tuesday, there's one at the Loft at Jerry's Food. It's in Woodbury. Every Thursday, there's Barnes & Nobles at Harmar Mall in Roseville. And every Saturday, there's a group. They are often meeting in Uptown, but otherwise they have a Facebook group and they can Zoom as well. And every second and fourth Saturday, there's a meeting outside when the weather is warm at Hudson and Bagel and Coffee on Vine Road, Carmichael Road and Vine Road in Hudson. So, that's a lot of choices if you want to have casual conversation and make friends and things like that. So that's pretty cool. So we're going to keep on playing music about the party because it's New Year's Eve tomorrow. And next week will be a little bit different. Maybe Antoine will be there. Maybe Adrien will be there. But we should have a guest. And this person is an immigration lawyer, and it's a topic that has been a little bit sensitive these days. She lived in France. Her family applied for asylum here, so and I helped her interpret for an asylum case, an interview with the immigration, and I think it's a very sensitive topic, but things have changed too, so I think it'll be interesting to know where things are at and what can people expect and that sort of things. So Anna will be there next week. Now, we're going to listen to a song from Albin de la Simone with a song called Non Merci. And it's the anti-party. It's the guy who doesn't want to party. He doesn't want to go. He doesn't want to go dancing. He doesn't want to go be with crowded people. So Non Merci means no thank you. But it's a funny song and about all the things and, you know, go with the party. Then we're going to listen to La Compagnie Créole with C'est bon pour le moral. It's good for the moral, for the spirit. And that's always a very uplifting, song, but like all the songs from La Compagnie Créole are very uplifting. They are from the Caribbeans, the French Antiguas. And then we're going to listen to Amadou and Mariam, Amadou who left us recently, with La Fête au Village, and it's from their album Dimanche à Bamako. And by the way, if you're not in Minnesota, because she's not stopping in Minnesota, but Mariam is touring the U.S., mainly East Coast, West Coast, and probably Quebec. So you know about it now. On y va? C'est parti!

fais ton village. Fais-toi plus belle. Pour la fête au village. Fais-toi plus jolie. Pour la fête au village. Et voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie. The show exists since the early 80s. And I kind of like started in 2016 and progressively, you know, contributed more and more. It's every Tuesday, 8 to 10 p.m. And all the shows are archived. So if you miss us one night, you can get us later. You go to kfai.org and the archive. But if you want a show that's before like 2 weeks or older than 2 weeks, you can go to archive.org and look for Bonjour Minnesota, and you're going to find us. There's the show since 2012. All right, so we just listened to three songs. Albin de la Simone with No Merci. No thank you. And he had to go like in the 4L. 4L is a old car with his cousin. Like they were crowded and he was smelling like perfume and cologne and like a lot of other things. And it was a funny song. Then La Compagnie Créole with C'est bon pour le moral. And Amadou et Marianne with La Fête au Village. And we're going to keep on going with songs from like for party in general. So we're going to listen to a band that usually is geared toward kids, but it's not childish. It's Les Zut, and the name of the song is Quand les pieds font la fête. It's from their album Et que ça saute. Quand les pieds font la fête means when your feet are partying, and that means you want to move. Et que ça saute, the name of the album is like, allez hop, you know, like you jump up and you go. Then after that, we're going to listen to Serge Sauvage with Battement de Fête, featuring Julia Eslop. And then Nino Ferrer with Au et un bon. That was a funny one from the 60s. All right. On y va. But prior from that, we're going to listen to an announcement. Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting Vopli Viroplio Sova, Thursday, January 15th. Celebrate Malacca Night, or Old Calendar New Year, with Vopli Viroplio Sova's mix of punk, folk, and global grooves. This show is part of the band's 40th anniversary world tour. They pioneered the sound of modern Ukrainian music, spanning genres, generations, languages, and lands. There will also be a charity auction to support Ukraine's largest children's hospice for war-affected orphans and families. Opening the show is Ukrainian Village Band. More information about Vopli Viroplio Sova is available at thecedar.org. Support for KFAI comes from the Dakota, presenting the Yellow Jackets, Wednesday, January 21st. For 44 years, the Yellow Jackets have brought rock, fusion, and R&B to the world of jazz. The hallmark of the Yellow Jackets have always been exploration and reinvention. To their true nature, their latest release, Fasten Up, continues that tradition. The Yellow Jackets are all about self-discovery, continuing their jazz journey while challenging themselves along the way. More information about the Yellow Jackets at the Dakota is available at dakotacooks.com. Attention, c'est parti! Est-ce que vous êtes là? Ouais! Allez, on se chauffe, on s'échauffe, on s'étire! Quand les pieds font la fête, qu'est-ce que vous faites? Quand les pieds font la fête, qu'est-ce que vous faites? On tape du pied partout par terre pour chasser les petites misères! Comme ça! Allez, il va falloir tenir bon, c'est que le début de la chanson! Allez, top, top, et chasse la poussière. Quand les genoux font la fête, qu'est-ce que vous faites? Quand les genoux font la fête, qu'est-ce que vous faites? On remue les genoux, on les secoue, comme si c'était du caoutchouc. Tout mou. Souffle, souffle la rotule, on se tourne. gauche, à droite, comme un ours des Carpates. Allez, on bouge s'il vous plaît. Et chacun fait ce qui lui plaît. Quand les bras font la fête, qu'est-ce que vous faites? Quand les bras font la fête, qu'est-ce que vous faites? On les agite en bas en haut et on s'envole comme des oiseaux. Quand il t'ennuie, quand il t'embête, quand t'as le moral dans les chaussettes, cette chanson sans queue ni tête te mettra la fête dans la casquette. Quand les mains font la fête, qu'est-ce que vous faites? Quand les mains font la fête, qu'est-ce que vous faites? On tape les mains en cadence pour faire chauffer la danse. Qu'est-ce que vous faites? Quand la tête fait la fête, qu'est-ce que vous faites? On tourne la tête comme une toupie. On fait non non. On fait oui oui. Non non. Oui oui. Non non. Oui oui. Non non non. Oui oui. Quand le corps fait la fête, qu'est-ce que vous faites? Quand le corps fait la fête, qu'est-ce que vous faites? On a des ressorts au talon de sauter jusqu'au plafond. On tape du pied partout par terre. On remue les genoux, on les secoue. Qu'est-ce que vous faites? Les fesses à gauche, les fesses à droite. Qu'est-ce que vous faites? Les bras s'envolent comme des oiseaux. Qu'est-ce que vous faites? On tape les mains en cadence. On tourne la tête comme qu'est-ce que vous faites? On peut sauter jusqu'au plafond. Et quand la fête, elle s'arrête, qu'est-ce que vous faites? Ben... on recommence. J'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Ouais, mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Mon sirop, ma camomille, ma potion, mon cachet, mes piqûres et mon bonnet. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon, qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson? Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon, oh, la la la la. Hey, voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie, and this is a special party because tomorrow is New Year's Eve, and we're going to say goodbye to 2025. I'm not going to party. I'm just going to be home, but yeah, that'll be fun. We just listened to three songs, Les Zut with Quand les pieds font la fête, and When Your Feet Are Partying, and I couldn't help myself but tap my feet. Plus, after that, in the song, they tap their feet too, so that that helps. And then, after that, it was Serge Sauvage with Battement de Fête, very 60s. And then, just now, was Nino Ferrer with Oh et un bon. He did, like, several songs, kind of like on the same tone, you know, like Mirza and Alexandre, and they were pretty fun songs, very late 60s. All right, we're going to keep on listening to more songs about partying. The first song we're going to listen to from Indochine is Un Grand Carnaval, a big carnival, or party, or whatever. And then after that, it's going to be like a very popular song in France called Licence 4, and License 4, and it's the license that is needed in order to sell alcohol in a bar, alcohol more than beer. And it's called Viens boire un petit coup à la maison. Come and get a drink at home. And then we're going to listen to Emmeline Tucour with La Pochetronne or The Drunkard. And then we'll come back and we'll be there until 10. And at 10 o'clock, it's going to be Balkan Jamboree. And that's going to be more fun. Follow us on social media. We're on Facebook and Instagram. And we also have a website, bonjourminnesota.com, which, I mean, when the new show is posted, you can go to the episode and the link and re-listen to the show. And I'm working on adding some link. I also added a page with About Us, and you can see some of the team members and that sort of things. But, yeah, let's go with the music. Dans un monde parfait, un monde parfait à ce qui paraît. Cette fois, y'a pas de premier couplet. À se marrer et se mettre à chanter. Y'a pas de vin, y'a pas de pain, si y'a pas les copains. Allez, viens voir du coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Et Ginou avec son petit accordéon. On s'est forcé, on a tout bu et on n'a rien mangé. On a tous fini complètement noir. C'était pas la fin de nos déboires. J'arrive pas à être une suite à cette histoire. Y'a pas de vin, y'a pas de pain, si y'a pas les copains. Laissez-moi juste le temps, je crois que j'ai la tête qui tourne rien qu'à penser à ces pintes de blonde. Ce soir c'est peut-être l'alcool qu'il y a dans mon verre qui me donne un étrange vague à l'âme. Une envie de chanter plein de chansons païennes en prenant un accent de Paname. Je lève mon verre à nos chagrins d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe. Je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux emmêlés, à mes mains dans tes cheveux. C'est sûrement pas l'alcool qui va tout arranger, mais au moins la bouteille, tu sais où la trouver. L'amour c'est déjà plus compliqué. Et puis jusqu'à maintenant, et ça je peux le prouver, ma bouteille elle ne m'a jamais abandonné. Elle m'a jamais regardé en baissant les yeux, en disant je t'aime plus, c'est plus possible nous deux. Je lève mon verre à nos chagrins d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe. Je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux emmêlés, à mes mains dans tes cheveux. Évidemment, y a pas de morale à cette histoire. Moi, je suis qu'une pochetronne accoudée à son bar. Et ma copine bouteille, y a longtemps qu'elle est vide. Moi, j'ai la bouche pâteuse et un peu mal au bide. Ça fait des millions d'années qu'ils nous parlent tous d'amour, avec des théories, des chansons, des discours. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas avancé. Santé. Allez, serre-moi un verre ou bien viens me serrer. Je lève mon verre à nos chagrins d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe. Je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux emmêlés, à mes mains dans tes cheveux. Je lève mon verre à nos chagrins d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe. Je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux emmêlés, à mes mains dans tes cheveux. Well, this was Eminine Tukur with La Pochetronne, and she was drinking quite a bit, and for good reason. It was La Pochetronne. Then before that, it was Licence 4 with Viens boire un petit coup à la maison. And before that, it was Indochine with Un grand carnaval. This is Freddy, and you're listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio, French songs and French topics, but otherwise, mostly in English when we talk. This is a special party night. So if you miss the beginning of the show, you can always go to the KFI.org the next day in the archive and listen to it again. And otherwise, go to bonjourminnesota.com and find the show and go to archive.org. We're going to keep on going with like party, and I mean, it's a little bit more booze now. We're going to listen to Ricoune with Un peu de Ricard dans un verre à ballon, a little Ricard, which is a drink like base of anise that is drunk a lot in the south of France, in a round glass, un verre à ballon. Ballon is like a bowl, so a round glass. And then Chance Coute, it's the name of the band, but it's Chevalier de la Table Ronde, and it's the night of the round table, but it's a drinking song. So you'll see, I mean, it's a classic. Every party, like when people start to get a little bit like drunk, usually these songs comes out. And then Trianne with Chanson à boire, a drinking song. All right, on y va, and only 15 minutes before Balkan Jamboree. C'est parti. Entré dans le bar, il était midi moins le quart. Je me suis assis au comptoir, j'ai commandé un petit Ricard. Tous les clients m'ont regardé, ils m'ont pris pour un Marseillais. J'ai sorti un billet de 5 francs, ils se sont moqués de mon accent. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans moi la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Avant de rentrer à la maison, le Ricard sinon rien et je reviens dès demain. Fait la messe pendant qu'il s'occupe de nos gonzesses. Nous, on fait la prière du matin. Donnez-nous notre Ricard quotidien. Il faut surtout pas oublier les olives et les petits salés. Demandez gentiment au patron de vous le servir avec un glaçon. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans boire la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Avant de rentrer à la maison, le Ricard sinon rien et j'en reviens de demain. était en colère. Elle m'a insulté d'un air sévère. Avec ton petit Ricard, tu me mets les ballons. Hey, hey. Tu vas faire tes valises et quitter la maison. Hey, hey. Ça fait déjà longtemps que je te mets la pression. Hey, hey. Et ça rentre dans l'oreille et ça ressort à fond. Des pantalons. Hey, hey. Avant de partir de la maison, on se boit le dernier et on se revoit jamais, et jamais, et jamais. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Hey, hey. Laissez-moi le consommer avec modération. Hey, hey. On va pas se disputer pour payer l'addition. Partirai pas sans boire la tournée du patron. Hey, hey. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Hey, hey. Avant de rentrer à la maison, ne regarde sinon rien et je reviens de demain. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, oui, oui. Goûtons voir, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, oui, oui. Goûtons voir, non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. J'en boirai 5 à 6 bouteilles, une femme sur les genoux. J'en boirai 5 à 6 bouteilles, une femme sur les genoux. Une femme, oui, oui, oui. Une femme, non, non, non. Une femme sur les genoux. Une femme, oui, oui, oui. Une femme, non, non, non. Une femme sur les genoux. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Dans une cave, oui, oui, oui. Dans une cave, non, non, non. Dans une cave où il y a du bon vin. Dans une cave, oui, oui, oui. Dans une cave, non, non, non. Dans une cave où il y a du bon vin. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Et la tête, oui, oui, oui. Et la tête, non, non, non. Et la tête sous le robinet. Et la tête, oui, oui, oui. Et la tête, non, non, non. Et la tête sous le robinet. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive ici gît le roi des buveurs. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive ici gît le roi des buveurs. Ici gît, oui, oui, oui. Ici gît, non, non, non. Ici gît le roi des buveurs. Ici gît, oui, oui, oui. Ici gît, non, non, non. Ici gît le roi des buveurs. Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et maintenir la table pleine de cervelas et de jambon. L'eau ne fait rien que pourrir le bon. Bout, bout, bout, bout, compagnon, vide nous ce verre et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le bon. Bout, bout, bout, bout, compagnon, vide nous ce verre et nous le remplirons. Le vin goûté par ce bon père qui s'en rendit si bon garçon. Nous fait discours sans grammaire et nous rend sage sans leçon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Poumon, bout, bout, bout, bout, compagnon. Vide nous ce verre et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Poumon, bout, bout, bout, bout, compagnon. Vide nous ce verre et nous le remplirons. Thank you.